Marie. C'est bon, bonjour. C'est à toi. Voilà, c'est passé. À toutes et à tous. Au revoir. Bienvenue au Salon d'écoute du Festival Archipel et dans l'Acousmonium de la Meg. Comme tous les midis, c'est le partage d'écoute, c'est-à-dire on partage les écoutes d'un artiste invité ou une artiste invitée. Aujourd'hui, nous sommes avec Will Guthrie, percussionniste, compositeur, et qu'on aime bien Archipel. ce soir, il va jouer avec Elena Akpro, un tout nouveau projet de duo à 21h. Ça sera finalement la clôture du festival. Mais en attendant, il va partager ses musiques qui l'accompagnent, qui l'ont influencé, ou je ne sais pas, mais des musiques importantes, j'imagine, à un moment donné ou à un autre. Et je tiens à insister sur le fait que Will, justement, fait partie de ces artistes qui écoutent beaucoup de musique. Et ça se ressent dans le travail, et c'est aussi très agréable pour discuter avec lui de programmation et autres. Voilà, bonne écoute. Je lui passe la parole peut-être. Petite introduction. Ouais, merci Marie. Bonjour tout le monde. Donc j'avais essayé de travailler sur différentes thématiques qui n'ont pas du tout marché. Donc finalement, j'ai resté sur l'idée de musique de dimanche. Et en fait, c'est la musique que j'écoute là, c'est que je veux passer. C'est plus ou moins la musique que je suis en train d'écouter actuellement. C'est-à-dire, c'est des choses, des disques qui sont dans ma voiture. Les choses qui étaient sur les piles. Voilà. Et donc, là-dedans, c'est la chose que j'écoute depuis très, très longtemps. Et d'autres que je viens de découvrir il y a pas très longtemps du tout. Voilà, c'est parti. Thank you. From the bottom. Thank you. Hello, hello. Boye ba no bi odun eni to olomi ari aye yi o le owo ba nbe lowo Boye ba no bi odun eni to olomi ari aye yi o le owo ba nbe lowo Ka mi ni agbadun deje sala ku seju okoladun ni baba oluwole Baba Bolore alaja. Mo da duro na. Ade tun bi lo ni ka so bu won bi pe. Eni ba je je je ni yo ba dun fun dojo ale. Ba mi bu ki la o se ra. Wa la ni ba ni un be ra ga. Ni Oko alaja ire ni Ba o ke o ti godo soro bi ko ode male Ile do ma ni o wa de Ba bo mi yo lowo iwo Ibi to sare ojo mejo ti ode male kan lo mu ya lero o ya ba ni ko La ebi ko ma le la le ju o Baba olukun le gani yo mi maya mi ko mo ke ati e Baba olukun le gani yo mi maya mi ko mo ke ati e Thank you. Merci Will. Est-ce que tu nous dirais quel morceau tu as joué? Oui, alors, le premier morceau, c'était Weather Report. C'est un morceau qui s'appelle American Tango, le disque Mysterious Traveler. Après ça, j'ai passé Sre Don, qui est musique de gong de Central Vietnam. Après ça, j'ai passé Stamps, qui est un morceau de Steve Lacy, enregistré ici en Suisse. Après ça, c'était Will Oldham avec Palace Brothers, Arise Therefore. Après ça, c'était Laurie Song de Art Ensemble of Chicago. Après ça, c'était The Root de D'Angelo, de son disque Voodoo. Après ça, c'était Beneath the Fields of Rapturous Blood de Stryborg, qui est un Australien. et après ça, Francis Plaigne, qui est aussi Australien de Melbourne, donc un ami. Il y a plusieurs amis là-dedans. Après ça, je suis passé Albert Eiler, Love Cry, parce que je viens de lire un bouquin sur lui qui était super. Après ça, on a fait un mélange de deux de mes plus gros amants en musique, de divers musiques d'Afrique et d'Indonésie. Donc la première, c'était Haruna Ishola de Nigeria. Et après ça, je passais un morceau d'un compositeur américain, Andrew McGraw, qui a enregistré avec de la musique berlinaise à Ubud. Et pour finir, c'était Phonetica Française de Paul de Maranis que j'ai découvert grâce à ma pote, copine Marie Janson. C'est vrai qu'on a écouté pas mal de musique ensemble et ça fait plaisir de passer ça à la fin. Voilà. Si, ça me touche. Ah. Eh bien, merci, merci Will, et merci pour l'écoute de collective de ce midi fantastique. Le salon d'écoute, ce n'est pas tout à fait fini. Pour vous ici et pour les gens qui nous écoutent à la radio, bienvenue à 15h, je crois, avec les musiques d'ordinateur de Sébastien Roux. Et malgré ce titre qui pourrait peut-être faire fuir, c'est vraiment quelque chose de très chouette à écouter et à l'écouter lui animer cette écoute tout à l'heure. Voilà. Et encore, je répète, à 21h, nous finissons. Archi Radio. La radio du festival Archipel, en direct, de 10h à midi, sur archipel.org. Et on est de retour à Archi Radio, puisque vous nous manquez tellement qu'on avait envie de continuer encore pendant des heures. On a accepté la proposition d'Antoine Leng de continuer en radio pirate. Ça finira jamais. Jusqu'à Noël, au moins. Donc voilà, radio pirate. Mais on répète toujours la même phrase, je crois, non ? De radio pirate. Radio pirate. Ouais, ouais. On dira Archi pirate. Que radio pirate avec différentes façons. On peut aller à Giacinto Chelsea, comme ça, on va chercher la sphère du mot. Peut-être on pourrait écouter le son mystère et laisser encore une chance aux auditeurs pendant qu'on dit au revoir et comme ça va prendre une vingtaine de minutes. Et voilà. Appelez quoi. 0 78 78 244 57 54. Ah voilà. Contrepoint radiophonique. Un son de June. Et donc, s'il est encore temps de nous téléphoner et de gagner une place pour le concert de ce soir. Ou pour les concerts, en fait, non ? C'est le bras. Tout à fait. Ouais, il y a plusieurs concerts. Et un petit repas, non ? Il y a un super grand repas. Il y a le buffet royal du Festival Archipel pour finir en gloire. Mais en fait, je ne sais pas si ce soir il y a un repas ou pas. Oui, quand même. C'est vrai qu'on promet des choses. On est pas en tout cas, là, maintenant, tout de suite, si vous gagnez, oui, vous pouvez courir jusqu'au brunch. Ouais. Ouais. Bon, il y aura les restes. De toute façon, nous, on a encore des bières que Théo a amenées. Ou un kebab. Ouais, donc, ouais. Il y a friterie belge à côté aussi. Donc, exactement. Vous n'allez pas mourir de faim, en tout cas. Non, hein, voilà. Non, dans le quartier, c'est super. Donc, appelez. Vous gagnerez le droit d'aller à la friterie. Exactement. À la friterie ou au kebab. Si vous voulez venir à manger à plein palais, ben, appelez au numéro indiqué. On le répète pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter encore, le 078 244 57 54. C'est la dernière chance d'appeler. Mais est-ce que vous ne connaissez pas ce son mystère ? Non. Est-ce que vous avez une idée ? Si, si. Ah, vous avez dit, toi tu le connais. Oui. Moi, j'ai écouté la réponse. Il a failli spoiler aussi la réponse. Moi, j'imaginais une sorte de canard de bain, mais donc c'est pas très loin de la. Ouais, les petits canards jaunes qu'il y a dans les bains pour les enfants. Ah, ouais. Ouais. Ah, tu reprends un peu l'auditrice qu'il avait appelée avec le canard pour chien. Voilà, mais moi, c'est pour enfants. Pour enfants, oui. Moi, j'aurais dit que c'était un ragot pour boucler la boucle. Le son du ragot. Le son du ragot, ah oui. Ou alors la dernière possibilité à laquelle je pense, parce que je continue à réfléchir très sérieusement, c'est le klaxon des vélos pour enfants. Ah oui. Peut-être en forme de canard aussi. C'est fou. Ou peut-être un appât, non ? C'est quoi un appât ? C'est quoi un appât, en fait ? C'est quoi un appât ? Un appât, c'est un son pour attirer l'animal dont on imite le son. Mais la question, c'est la trompe. C'est avec quoi tu fais ce son maintenant ? C'est la question. C'est pas les petites trompes. Avec une... Moi, je dirais... Voilà, alors, avec une... avec une feuille, non ? Bravo ! Comment t'as su que j'avais trouvé ? C'était T'as vu le F c'est... Oh, ouais. Voilà. Antoine a gagné le droit de nous payer des frites ce soir à la friterie. Alors, si vous voulez voir, c'est moi qui invite. L'équipe d'Archi Radio triste et déprimée à la friterie belge. Avec la sauce de votre choix. Exact. Il y en a une vingtaine. Donc vous pouvez venir. Je suis désolé de vous dire que je crois que c'est fermé. On est dimanche, je vous rappelle, même si nous, on est dans de notre petite. Non, mais je crois qu'ils sont ouverts. Ah non, ils seraient fermés. Non, mais en Belgique, il n'y a pas de dimanche. Surtout pour les Belges. Tellement négatif, Rudy. De Pâques, non, mais c'est Pâques, c'est un moment quand même très important. Bref, on va trouver une autre. Bah, ils ont kebab, ils vendent des frites. Ils ont sûrement fait des frites à forme des œufs à la friterie. On écoute la réponse quand même. Peut-être. Bonjour. Alors, ce son de mystère, c'était ma sœur qui, on a fait une balade, elle a trouvé des herbes et elle a tenu des brins d'herbe entre ses pouces dans la main et elle a sifflé dedans et ça a donné ce super son qu'on a trop aimé. Ça sonne comme un animal sauvage. Voilà. Un animal sauvage de baignoire. Donc pour être précis, par contre, Antoine, tu as parlé de feuilles, pas de... Oui, mais les herbes, c'est des feuilles. Ah oui, pardon. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, en gros, c'était pas une hanche ou un truc comme ça. Oui, c'était pas en bateau, c'était exactement, en caillou. On est quand même un peu indulgent, on se rapproche, on est dans le végétal. Quoi. On est indulgent seulement si tu nous payes des frites ce soir. On est tolérant. Et vous, que tu nous inviteras à la friterie, en tout cas, c'est un très bon. On peut remettre le jingle pour Antoine. On pourrait souffler dans les frites pour voir ce qui se passe. Ah oui, c'est un peu la même forme. Oui, en fait, c'est jingle. Ah oui, c'est végétal aussi. Pour l'année prochaine, on va réessayer. Bon, jingle pour Antoine. Je propose de mettre un jingle à l'envers, j'ai adoré ta proposition. C'est le dernier jingle de l'année. De la victoire à l'envers. Ah, de victoire, non, c'est le jingle de la fin de la radio. De la fin, pour dire au revoir. On lui a mis le jingle de la Oh, la vie, Michra.